Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'étrange histoire d'un écrivain qui avoue être l'auteur d'un acte terroriste commis en pleine guerre froide. Sorti en 2006, le livre Révélation de Daniel Deroulet, c'est son nom, et le titre est Un dimanche à la montagne, ce livre provoque le scandale dans son pays, la Suisse. Car derrière ce titre bucolique se cachent des aveux fracassants. Dans l'ouvrage, en effet, l'auteur raconte comment, avec son amour de jeunesse, il a incendié le chalet d'Axel Springer dans la région de Gstaad. C'était en janvier 1975. Construite sur un pâturage isolé, la maison a été complètement détruite par les flammes, mais l'incendie n'a fait aucune victime. Côté enquête, car il y a eu une enquête, évidemment. Et avant la révélation de l'auteur, à la fois du livre et de l'incendie, l'enquête internationale a penché pour un commando venu d'Allemagne. Il faut dire que ce n'était pas la première fois que Springer, le magnat de la presse allemande, était pris pour cible par les leaders du mouvement étudiant. Il faut dire également que les titres racoleurs de ces journaux à grand tirage s'en prennent systématiquement à cette jeunesse d'extrême gauche qui veut renverser l'ordre social. Faute de preuves, les criminels ne sont jamais retrouvés et l'affaire se tasse. Jusqu'à ce que, 30 ans plus tard, Daniel Deroulet, qui dans l'intervalle est devenu un écrivain connu en Suisse, prenne la plume pour raconter son forfait, commis pour des raisons autant politiques qu'amoureuses. Notre invité aujourd'hui, Daniel Deroulet, lui-même. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Isabelle Maillot, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. C'est sorti ce jeudi, ça s'appelle Un dimanche à la montagne, un petit bouquin qui n'a l'air de rien mais qui commence fort. Par un beau dimanche de guerre froide, j'ai mis le feu au grand chalet d'Axel César Springer, en haut d'une montagne suisse. Les aveux d'un terroriste, même du dimanche, ce n'est déjà pas courant. Mais lorsque le chalet appartenait au plus grand éditeur de presse allemand et que l'incendiaire s'appelle Daniel Deroulet, l'aveu devient alors fracassant. Daniel Deroulet n'en est pas sa première polémique. Né de père roman et de mère suisse-allemande, alémanique donc, l'ancien architecte et informaticien qui a présidé l'Association Suisse des Auteurs est connu dans son pays natal pour les uns comme un écrivain engagé, pour les autres comme un provocateur, deux notions assez voisines somme toute. Âgé de 62 ans au moment de la publication de son livre Révélation, Roulet affiche un passé de militant de gauche actif. Opposé au franquisme et à la guerre du Vietnam, il se fait embarquer par la police en 1965 après une manifestation devant l'ambassade d'Espagne. Dans les années 70, il lance des cocktails Molotov contre l'ambassade américaine. Tout cet activisme lui vaut de se retrouver fiché par la police fédérale et de perdre son travail à plusieurs reprises, ses employeurs ayant été avertis à son insu évidemment de ses activités politiques. Daniel Deroulet l'apprendra au détour de l'affaire des fiches, un scandale d'État en Suisse révélé en 1989 quand ce pays découvre avec stupeur que des centaines de milliers de ses citoyens ont été espionnés. L'écrivain en fera un livre, double, dans lequel il raconte la surveillance dont il a fait l'objet entre 1964 et 1981. Ironie des dates, car c'est précisément pendant cette période, en janvier 1975, que Daniel Deroulet commet un acte radical, violent, bien qu'il n'ait fait aucune victime, acte qui débouche sur une enquête non résolue, jusqu'à ce qu'en 2006, son auteur prenne la plume pour se confesser. Springer n'était pas seulement un magnat de la presse, il avait organisé une campagne très haineuse contre les étudiants. Il était indirectement responsable de l'assassinat de Rudi Dutschke, qui était le leader étudiant allemand. Et les premières manifestations de mai 68 se sont faites devant l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et on criait Springer nazi CRS-SS. Le vieux CRS-SS, ça vient de là. Et donc, il y avait beaucoup de choses à reprocher à Springer. Et puis il s'était construit une retraite où il voulait être totalement à l'abri, qui était en dehors de toutes les zones constructibles, tout en haut des Alpes, un endroit où on pouvait arriver qu'en hélicoptère. Mais les révélations de Roulet génèrent beaucoup de circonspection de la part des Suisses qui découvrent l'info. Pire, certains le soupçonnent d'avouer un crime qu'il n'a pas commis pour se faire remarquer. Gênant. En même temps, la suspicion est légitime. Pourquoi revenir sur un épisode vieux il y a 30 ans et pourquoi n'en avoir jamais parlé plus tôt? Eh bien, l'auteur s'en explique dans le prologue. Avant de révéler le comment et le pourquoi de son délit, il tient en effet à exposer les circonstances qui ont motivé ses aveux. C'est en août 2003, quelques années avant la publication d'Un dimanche à la montagne, que le déclic arrive. Daniel de Roulet se trouve dans un bel hôtel du Tessin, la région italophone de la Suisse, le genre d'hôtel, précise-t-il, où l'on taille les paniers, les hauts coupongles. Parmi les clients, il y a un homme. Cet homme, c'est Gerhard Schröder, alors chancelier d'Allemagne, qui prend à partie son auditoire et qui lui dit « Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je passe mes journées à combattre ce pourquoi je luttais dans ma jeunesse. » Cette phrase désabusée fait mouche chez notre écrivain. D'un coup, je revois l'attentat, le chalet là, en haut de la montagne, dans la neige, écrit-il. Je la vois surtout, elle, mon amie d'alors, qui me manque aujourd'hui terriblement. Car c'est avec son grand amour de jeunesse, en effet, que Roulet s'est rendu à ski sur les hauteurs de Rougemont pour incendier le chalet d'Axel César Springer. Avec elle, et pour elle. Et c'est aussi en grande partie à sa demande qu'il a pris la plume pour raconter le forfait commun du couple. Quand ils étaient un couple, jusqu'à la mort de la bien-aimée en 2005, des suites d'un cancer, et il lui dédie le livre. Mais dans son prologue, l'auteur souligne une autre circonstance qui l'a poussé à parler. Dans cette même réception, à l'hôtel tessinois où son chemin se croisait celui de Gerhard Schröder en 2003, Roulet apprend, par une psychanalyste berlinoise, elle aussi invitée ce jour-là, que Springer n'a jamais été nazi. Son interlocutrice en est certaine. Et il se trouve que, juste avant le passage à l'acte, l'incendie, en 75, la complice de Daniel de Roulet se demandait encore si Springer était bien la bonne cible. Et l'écrivain reconnaît dans son livre en être resté une vision simpliste des choses qui consistait à soupçonner tous ceux qui avaient plus de 20 ans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale potentiellement, ils auraient pu avoir adhéré au nazisme. Ce qui a été terrible, en fait, dans toute cette histoire, c'est que Springer a toujours été considéré comme un nazi, et lui a toujours considéré tous les étudiants comme étant payés par Moscou ou Pékin. Et donc, c'était typique de la guerre froide qu'on ne rediscutait pas les accusations qui étaient portées contre une personne ou une autre. Et c'est vrai que j'ai appris très tard, mais je suis pas le seul, seulement en 2003, qu'en fait, non, il n'était pas nazi. Et ça, ça vaut des excuses, parce que c'est pas tout à fait la même chose d'être un patron de presse qu'on déteste que d'être un ancien nazi. Et c'est par un beau matin de janvier 1975 que Daniel de Roulet arrive en petit train bleu au pays d'en haut, dans l'élégante station d'Ockstadt. Vous êtes au soleil, vous êtes sur les pistes, vous respirez le bon oxygène suisse, après tout, c'est pour ça que vous êtes venu. Il a tout juste 30 ans Roulet à cette époque. Depuis la gare, il aperçoit un point noir sur l'horizon, c'est le chalet de Springer, sa cible. À première vue, il ne voit ni fumée ni hélicoptère. Est-ce que cela signifie que les lieux sont vides ? Daniel de Roulet a prévu de faire des repérages le jour même pour s'en assurer. Mais avant tout, il retrouve son ami à la gare. Lui vient de Suisse romande, elle de Suisse alémanique. Lui a choisi un look de skieur du cru, parti pour le week-end profiter des pistes, pull marine, anorak réversible. Elle se présente genre touriste américaine, qui arbore fièrement une veste avec drapeau aux étoiles cousues et casquette de baseball. Dans son sac à dos, Roulet a emporté un pied de biche, une hache et une paire de jumelles. Nos deux amoureux se rendent ainsi à pied, ski à la main, au palace de Gstaad, où ils ont l'intention de passer la nuit. À partir du quatrième étage, les chambres côté nord constituent un excellent point d'observation du chalet de Springer. Et Daniel Roulet offre un cadeau de Noël romantique à sa belle. « Il faut vivre comme l'ennemi de classe », se justifie-t-il, alors que le jeune couple croise la faune habituelle des palaces suisses, manteaux de fourrure et toques d'astrakhan à tous les étages. À la réception, Daniel se fait passer pour un médecin de Zurich, elle pour son épouse. Il s'enregistre sous un faux nom, donc, avec une carte bleue volée. L'après-midi est consacré au dernier réglage. En haut du télésiège, du râleur Ligrat, couverture en laine sur les genoux, les deux terroristes du dimanche observent le chalet qu'ils ont l'intention d'incendier. À 3 kilomètres, là, vol d'oiseau, à une altitude à peine inférieure à la leur, se tient la bâtisse massive au socle de pierre. Et le tourelle, dépassant du toit, rappelle à l'auteur un autre toit, celui du nid d'aigle d'Hitler dans les Alpes bavaroises. L'écrivain a entendu parler du chalet de Springer à l'automne 1974. Le magnat de la presse allemande venait d'être fait citoyen d'honneur de la commune de Rougemont, voisine d'Ockstadt. Roulet le soupçonne d'avoir une résidence dans les parages. Il ne se trompe pas. Vérification faite, on lui confirme l'existence d'une grosse bâtisse tout en haut d'un alpage, à Rodomont, derrière, accessible l'hiver en hélicoptère seulement. Aux jumelles, aucune trace de passage récent n'apparaît dans la neige. Mais comment être sûr que la maison sera encore vide le lendemain après-midi? Le samedi soir, de retour à l'hôtel, les deux amoureux dînent aux chandelles pendant que trempe dans la baignoire le pied de biche et la hache pour effacer toute empreinte. Alors le trac monte, mais jeunesse insouciante oblige, ils ne sont plus inquiets à l'idée de ne jamais se revoir qu'à la perspective de faire de la prison. Alors il y a dans ce roman quelque chose d'assez sympathique, hein, c'est pas tout à fait du romantisme, mais il y a un aspect équipé un peu à la Heidi, hein, et qui est assez net. Il y a d'abord l'effort de la montée vers le chalet, il y a les petits coups de frayeur qui se font, il y a la joyeuse course à ski de la redescente, les baisers échangés au cours de route, jusqu'au jeu de fausses pistes imaginées pour égarer les enquêteurs. Et on voit que finalement, si terrorisme il y a, c'est un terrorisme de jeunes gens bien élevés. Au matin, les terroristes du dimanche quittent le palace comme ils sont arrivés, à pied, leur ski à la main. Ils prennent un bus jusqu'à l'église de Sannen, une bourgade située entre Kstadt et Rougemont. Là, ils cachent dans une poubelle de cimetière les 15 enveloppes que Roulet a l'intention d'envoyer à la presse helvétique une fois le forfait accompli. C'est un communiqué, inspiré de ceux des Weathermen, le groupe le plus célèbre de la gauche radicale américaine. Il y a deux sortes d'étrangers chez nous, dit son texte. Ceux qui meurent en creusant nos tunnels, en construisant nos barrages alpestres, et ceux qui achètent nos montagnes. Nos Alpes sont trop belles pour servir de refuge aux nazis, aux affameurs du tiers-monde. Nous y veillerons, camarades, et que ça saute, enfin. Façon de parler, car le couple n'a pas choisi l'explosif, mais les flammes. Après la forêt, nos deux amoureux rejoignent le chemin qui mène au fond de la vallée des Fédiles, d'où ils espèrent, à ski, grimper jusqu'au chalet. Il fait moins 10, et l'ascension pourrait durer 5 heures. Le couple avance, de la poudreuse jusqu'aux genoux, avec pour seule boussole une carte de la région. La montée est rude, la pente dangereuse. Une avalanche de poudreuse nous aurait étouffé d'un coup, écrit l'auteur. Il est plus de midi, l'équipé doit enlever ses skis pour progresser sur la piste devenue abrupte. Et soudain, c'est la crête. Le chalet doit être tout prêt, mais non. Non, il n'est pas là. Alors Daniel sort sa carte et n'en croit pas ses yeux. Il s'est trompé d'échelle en la lisant. Ils ont donc bifurqué trop vite. Après un moment de découragement, les deux repartent dans la vallée, réchauffés par le soleil du début d'après-midi. Ils retrouvent l'endroit où ils sont passés un peu plus tôt et prennent cette fois le bon chemin. Allez, un ultime effort, un dernier raidillon. Et ils aperçoivent le dos de la bâtisse de pierre, orgueilleuse, bravant le vent de la montagne. Daniel réussit à s'effrayer un passage à l'intérieur, au pied de biche, fait rouler depuis la cuisine jusque dehors les bonbonnes de gaz qu'il vide. Après avoir hésité avec les explosifs qu'il a appris à manier à l'université, il a finalement retenu une méthode plus facile et qui ne requiert que très peu de logistique. Deux grosses bougies de Noël. Pendant que son ami monte la garde à l'extérieur, il prépare plusieurs départs de feu dans le salon. Il hésite un instant devant la bibliothèque. Brûler des livres, n'est-ce pas ce que faisaient les nazis? Une fois rendu sur le seuil de la porte, il hésite encore. Puis repense au leader du mouvement étudiant allemand, Rudi Dutschke, victime d'un attentat que Springer aurait commandité. Et c'est bien cette pensée-là qui le pousse à l'action. Alors, il les allume, les deux bougies. Et il sort. L'attentat contre Rudi Dutschke remonte pourtant à 7 ans. C'est vieux, mais moralement, il n'y a pas à prescription, non. L'événement a durablement marqué la génération des étudiants en ébullition en Allemagne et même en Suisse. À Berlin-Ouest, depuis quelque temps, le groupe des étudiants de la SDS avait beaucoup fait parler de lui. Surtout son porte-parole, Rudi Dutschke. Rudi Dutschke qui avait lancé le mot d'ordre de la contestation permanente. Contestation de l'enseignement traditionnel, mais aussi de l'ordre établi. Un événement brutal a mis le feu aux poudres. L'attentat perpétré contre Dutschke a jeté des hordes de jeunes sur les immeubles du mania de la presse allemand. Rudi Dutschke est sur son vélo le 11 avril 1968 lorsqu'un fanatique d'extrême droite tire 3 coups de feu dans sa direction, touchant le cerveau. L'activiste de gauche, leader de la Ligue des étudiants socialistes allemands hospitalisés, finira par mourir de ses blessures. Ce 11 avril, spontanément, les étudiants qui soutiennent Dutschke décident d'occuper les bâtiments de l'entreprise Springer à Berlin, situé tout près du mur. C'est là que sont imprimés les journaux à grand tirage qui ont fait le succès du groupe. Et parmi eux, Bild, qui tire cette année-là à 4,5 millions d'exemplaires, un record. Oh, la recette est simple. Peu de texte, des slogans faciles, beaucoup de photos. Quant à la ligne éditoriale, elle est à la fois très pro-israélienne et pro-Washington, mais aussi farouchement anticommuniste et anti-intellectuelle. Trump aurait pu l'inventer, le journal, mais l'allemand Springer n'a rien à lui envier, lui qui estime que l'allemand, l'homme allemand d'après-guerre, ne veut pas penser, non, il ne veut pas penser. Et c'est bien à lui que ces journaux messages simples s'adressent. Dès le 11 avril 1968, l'immeuble du journal est bloqué, des camions chargés de journaux prennent feu. À Essen, à Francfort, à Munich, des actions similaires ont lieu. Les milieux de gauche semblent convaincus de la responsabilité intellectuelle du chef du plus grand groupe de presse allemand. Le quotidien de Springer, Bild Zeitung, n'avait-il pas titré à propos de Dutschke « Qu'attend-on pour mettre à la raison un dangereux individu qui déshonore notre ville ?» Quand, le soir même de la tentative d'assassinat, on retrouvera chez le coupable toute une collection de Bild, les journaux Bild, l'indignation des manifestants sera son comble. Et en 1967, la crispation entre le mania de la presse et les milieux étudiants s'était transformée en haine. Ceux qui font surtout parler d'eux ne constituent en fait qu'une infime minorité de la jeunesse. J'ose à peine les qualifier d'étudiants. Ce sont des extrémistes. Ils sont seuls à se déchaîner contre mon entreprise. Ils lui donnent l'assaut en brandissant des drapeaux rouges. En juin 1968, alors que les étudiants manifestent contre la visite du Shah d'Iran en RFA, la presse de Springer se déchaîne contre eux. Les taxes de voyous immatriculés, de lits de gauche, de psychopathes. Et la police, chargée de maintenir l'ordre dans les manifs, fait du zèle, se sentant peut-être pousser des ailes. C'est là qu'un policier tire dans la tête d'un manifestant et le tue. Ce manifestant s'appelle Benno Ohnsorg. Son nom est devenu tristement célèbre dans le pays. Ce tragique épisode est fondateur de la culture d'extrême gauche en Allemagne, mais aussi pour la doctrine de maintien de l'ordre dans le pays, traumatisé par cette bavure. Pour une partie de cette génération allemande, Springer devient le symbole d'une presse monopolistique qui nourrit chez les étudiants un sentiment d'exclusion et un vif ressentiment. Comme en témoignent les slogans de l'époque, dans cette manif parisienne, par exemple, on soutient Rudi Dutschke le 13 avril 68. L'un se dit prêt à mourir pour l'autre, l'autre aussi. sensible, Fabrice Drouel. C'est que l'université traditionnelle ne s'occupe pas des problèmes les plus importants que nous avons, par exemple, comme celui de Springer. C'est celui qui possède presque 67% de la presse ici à Berlin, qui a le monopole, qui a la tendance de préparer la situation en Allemagne qui pouvait faire possible un nouvel fascisme ici en Allemagne. Et sa presse est telle qu'elle manipule les gens parce qu'il manipule le gouvernement et toute la population. Un nouveau fascisme. Dans les mots de cette étudiante de l'Université libre de Berlin, interviewée quelques jours seulement avant l'attentat contre Rudi Dutschke, résonne toute l'ampleur de la rupture qu'entend opérer la génération 68 avec le passé de ses parents. Mais l'on comprend aussi les racines d'un malentendu sur les positions politiques d'Axel Springer. Interférence qui perdurera bien au-delà de cette année charnière. Dans une interview donnée à Der Spiegel, au moment de la sortie du livre de Daniel Deroulet en 2006, le biographe de Springer lui-même, un certain Michael Yorks, confie son étonnement de découvrir l'engagement anti-nazi de Springer lors des recherches qu'il a effectuées pour son livre, dans les années 90. J'ai été complètement bouleversé quand j'ai découvert que non seulement Springer n'était pas un nazi, mais qu'il était un véritable anti-nazi. Il a clairement reconnu la culpabilité collective des Allemands, dit-il. D'ailleurs, tout journaliste embauché dans son groupe s'engage, en signant une charte, à respecter certains principes clairs et forts que Springer lui-même rappelle. Lorsque je m'interroge et que je réfléchis aux raisons profondes qui ont suscité cette explosion de haine contre nous, lorsque j'évoque notre ligne de conduite, alors vraiment, je ne comprends plus. Notre action s'inspire de quatre principes. Rétablissement de l'unité allemande, réconciliation des Juifs et des Allemands, lutte contre les rouges et les chemises brunes, lutte contre toute forme de totalitarisme. Springer, qui a échappé à la guerre en raison d'une maladie du pancréas, a probablement bénéficié auprès des Britanniques du fait qu'il n'a jamais adhéré au parti nazi. À la sortie de la guerre, en effet, la Grande-Bretagne accorde aux dandys anglophiles de 33 ans trois licences de journaux à une époque où elles sont distribuées au compte-gouttes. Ainsi sont lancées les bases de ce qui deviendra l'Empire Springer. L'engagement de l'homme en faveur d'Israël n'est pas fin. Ayant épousé en première noce une femme juive, il se sent sur ce sujet comme investi d'une mission. Il est honoré à de nombreuses reprises par des universités et des institutions israéliennes, ainsi que par la communauté juive de Berlin. Mais l'époque de la guerre froide n'est pas propice à la complexité. Les raisonnements à cette époque sont en noir et blanc. Le bien d'un côté, le mal de l'autre, séparé par un rideau de fer, géopolitique tout autant que mental. Et alors que ces journaux confondent volontiers étudiants d'extrême-gauche et terroristes, déviance qui sévit encore de nos jours, Springer devient la cible principale de cette génération idéaliste, en rage contre l'état du monde, déterminée à renverser l'ordre social, entendez l'ordre bourgeois. Je voudrais juste citer un très court dialogue qu'il y a un moment justement entre Daniel Deroulet et son ami. Elle lui dit « Pourquoi tu fumes des gauloises bleues ?» Il répond « Ça fait partie de mon style politique. Tu les aimes ? C'est pour imiter Sartre ? J'aime mieux les tiennes. Pourquoi tu ne les fumes pas ? Chacun son style. Sartre, des boyards de maïs. Je croyais que ton style, c'était le Vietnam. » Et c'est génial, parce que voilà, le Vietnam est un style. C'est ça aussi qu'il dit, c'est terrible. En 1974, Daniel Deroulet suit avec attention, depuis la Suisse, l'actualité allemande. Un an avant l'incendie du chalet, Heinrich Böll, sacré prix Nobel de littérature en 1972, sort un court roman polémique intitulé « L'honneur perdu de Katharina Blum, dans lequel il est question d'une jeune femme victime d'un scandale médiatique. C'est en fait la réponse de l'écrivain allemand à la campagne de dénigrement dont il a été l'objet dans les journaux de Springer. En préambule, il prévient le lecteur. Si certaines pratiques journalistiques décrites dans ces pages offrent des ressemblances avec celles du journal Bild, elles ne sont ni intentionnelles ni fortuites, mais tout bonnement inévitables. Le roman est vite considéré comme l'un des chefs-d'œuvre d'Heinrich Böll. Mais l'année 74 est marquée par un autre événement. Le 9 novembre, l'étudiant Holger Mainz, surnommé le roi des cocktails Molotov, succombe à l'âge de 33 ans à une grève de la faim au pénitencier de Stadenheim. Membre de l'organisation terroriste allemande Fraction Armée Rouge, plus connue sous le nom de Bande à Bader, il avait organisé en 68 un tribunal contre la presse de Springer. Le 4 décembre, Jean-Paul Sartre se rend sur place et rencontre Andreas Bader en prison. Roulet et son ami sont impressionnés par les obsèques de Holger Mainz, auxquelles assiste Rudi Dutschke, déjà blessé. Et c'est tout imbibé de ces fiévreuses semaines que leur projet d'attentat prend forme. Il faut dire qu'en Suisse, le printemps 68 a été tiède. Bon, il y a bien eu quelques élevettes engagées dans la lutte d'extrême-gauche clandestine, mais quand ils frappent, c'est le week-end, a remarqué la police, car il faut bien gagner sa vie le reste de la semaine. Et Roulet n'échappe pas à la règle. Architecte de métier, il choisit donc un dimanche pour incendier le chalet de Springer et il raille. Le lendemain, écrit-il, la photo barrait la première page de notre journal préféré. L'incendie était visible de toutes les vallées alentour. De la bâtisse arrogante, ne restait qu'un tas de cendres. L'ironie de l'histoire, c'est que les enquêteurs jugent que les empreintes de semelles retrouvées près du chalet ne correspondent pas à ceux d'un skieur suisse. Bah, il doit y avoir des critères sur ce point. Toujours est-il que la police suisse se tourne très vite vers l'étranger. Et tous les regards vers la Bande à Bader. Alors, les frontières sont passées au peigne fin. Mais, faute de preuves, l'affaire se tasse. Et le crime serait probablement resté résolu si, 30 ans plus tard, Daniel de Roulet n'avait pas décidé d'en faire l'aveu. Nous sommes au début des années 2000, quand l'écrivain entreprend de retourner sur les lieux de son crime, enfin, de son délit. La guerre froide a pris fin, mais une autre guerre vient de commencer, celle des États-Unis en Irak. Springer, lui, est mort déjà depuis longtemps. C'était en 1985, il avait 72 ans. En tout cas, l'enquête internationale sur l'incendie du chalet de Springer n'a rien donné. Et en prenant le chemin de l'alpage, Roulet, devenu écrivain professionnel, se demande si sa tête et celle de son amoureuse est encore mise à prix. Il verra bien. Et cette fois, c'est l'été. Mais notre terroriste est venu bien mal équipé, en basket et veston de ville. Les années ont passé, et pour déchiffrer la carte, il a désormais besoin de lunettes. La tradition veut que, pour la fête nationale suisse du 1er août, on allume des brasiers qui se répondent en quelque sorte d'une montagne à l'autre. Mais à cause de la sécheresse cette année-là, les feux sont interdits. À l'entrée du pâturage, Daniel de Roulet est accueilli par des vaches. Il progresse jusqu'à l'alpage, aperçoit du côté d'Ockstadt le palace où il avait passé la nuit avec son amoureuse près de 30 ans plus tôt. Il continue à travers champs jusqu'à découvrir le replat où se trouvait le chalet de Springer. Et que reste-t-il de l'immense construction ? Oh, pas grand-chose. S'il n'y avait pas ce replat qui nivelle le pâturage, il sera impossible de deviner que le chalet se tenait là. Roulet fait quelques pas. À l'endroit où se trouvait l'énorme cheminée du chalet, il découvre un petit mur recouvert de pierres plates, complété par un banc. Sur celui-ci est accrochée une plaque de cuivre sur laquelle est gravé le portrait de Nicolas de Flux, un ermite du XVe siècle, mais surtout le saint patron de la Suisse. Et à côté de lui apparaît cet étrange message. Ce que l'âme est pour le corps, Dieu l'est pour l'État. Si l'âme fuit le corps, il tombe en poussière. L'État dont Dieu est chassé est voué à la ruine. Daniel de Roulet, ému, s'assied sur le banc. Il pressent que cette logorée lui est adressée. Oui, la lui, l'auteur de l'incendie qui a fait disparaître le chalet. Springer aurait pu choisir des mots vengeurs ou encore construire un bunker à la place du chalet disparu. Mais non, non, les mots de Springer, ce mystique, semble trahir un certain esprit de conciliation, d'apaisement, de tolérance. Et Daniel semble partager. J'étais content. La guerre froide prenait fin, écrit l'auteur à propos de la chute du mur. Cela donnait raison à Springer, sans me donner tort. Il y a une partie politique dans cet acte et puis il y a une partie amoureuse. Mais c'était... C'est relié, enfin c'est justement ça qui essaye d'expliquer cette époque, c'est que les motivations que nous avions n'étaient pas seulement des motivations politiques, mais étaient subjectives, c'était l'espièglerie, la joie de vivre, enfin tout ça qu'aujourd'hui est nié sous une espèce de cynisme, comme si on avait tous été des imbéciles et on n'avait pas fait des choses qui nous faisaient plaisir. Quoi. Ma naïveté, je la reconnais, mais ça n'empêche rien à... Comment dire, c'est pas ça qui me fait regretter la chose. Ce qui me fait regretter la chose, c'est le manque d'analyse que j'ai pu avoir alors que j'avais... Parce que mettre 30 ans à reconnaître que Springer n'était pas vraiment un nazi, c'est long. Hein. J'ai mis 28 ans. 28 ans. Ouais, depuis 28, depuis que je le sais, j'assume le ridicule de la situation. Au mois de mars 2006, les aveux de Daniel de Roulet deviennent un livre. Un dimanche à la montagne, paru en même temps en français et en allemand. Cette sortie dans trois pays à la fois, France, Allemagne et Suisse, programmée en quelque sorte pour provoquer le scandale, rebute particulièrement les journalistes suisses, peu amateurs des effets de manche à la française. À tel point que le milieu littéraire, Helvète, soupçonne Roulet de s'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis pour se faire remarquer. Méticuleux, l'écrivain n'a en effet aucune preuve matérielle à fournir pour corroborer ce qu'il raconte et pour cause. Après l'incendie du chalet, sur le chemin du retour, il a abandonné en route ski, bâton, gants et chaussures. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle de cette manière. Pour l'histoire de l'argent, là, je voudrais dire clairement aux gens qui pensent que je fais ça pour gagner de l'argent, que mon dernier livre qui était autobiographique, qui était double, j'avais renoncé à tous mes droits. Et quand j'ai reçu deux prix, l'un de 10 000, l'autre de 8 000, j'ai donné l'ensemble de cet argent à la jeunesse genevoise. Et celui-là, il va cartonner, ce livre. Je vais faire la même chose. Avant de publier ses révélations en 2006, rédigées à partir de ses seuls souvenirs, l'auteur a longtemps hésité. D'abord, il s'est renseigné sur sa situation judiciaire. Et il a appris que, pour avoir provoqué volontairement un incendie, le délai de prescription en Suisse était de 15 ans. Le voilà donc sur ce point à l'abri. Mais un autre aspect taraude. Qu'en pense son ami, perdu de vue très peu de temps après leur séjour à Gstaad en 1975? Pour la première fois, près de 30 ans plus tard, les deux anciens amants se retrouvent en Suisse alémanique. Fidèle à son tempérament bravache, non seulement son ancien amour lui donne l'autorisation d'écrire, mais elle enjoint Daniel de publier leur histoire, et elle la lui dédie. Encore une fois, c'est elle qui pousse l'écrivain à l'action. Elle disparaîtra quelques mois après cette ultime rencontre, au début de l'année 2005. Mais à la sortie du livre, au printemps 2006, les réactions suscitées ne sont pas celles auxquelles l'auteur s'était préparé. Et le débat fuse jusqu'au Conseil d'État, figurez-vous. L'institution interpellée sur le cas de Roulet par un député du Parti des droits UDC, Éric Bonjour, confirme ne pouvoir engager aucune démarche sur le plan pénal en vertu du délai de prescription. Le Conseil d'État informe également les députés que des pourparlers ont été engagés entre l'écrivain et l'établissement cantonal d'assurance, l'ECA, qui avait à l'époque versé plus d'un demi-million de francs suisses d'indemnité à Axel Springer pour la perte de son chalet. Daniel de Roulet a accepté sur le principe de leur céder ses droits d'auteur. Il a également présenté ses excuses aux amis et proches de Springer. Dans un communiqué, la maison d'édition de celui-ci a estimé en retour que ses aveux méritaient respect et reconnaissance. Pour la société, Daniel de Roulet s'est donc racheté. Mais en son âme et conscience, les années passées ne semblent qu'épaissir le mystère du pourquoi. Enfin, pourquoi avoir commis cet acte? Et pourquoi surtout l'avouer 30 ans plus tard? Après tout, en 2006, Roulet est un homme mûr. Il s'est marié, il est devenu père, il a connu le succès avec ses livres. Quel besoin de revenir sur cette histoire exhumée d'une époque révolue. Au détour d'une interview, l'auteur affirme que s'il n'avait pas publié Un dimanche à la montagne, il n'aurait pas pu continuer à écrire. Voilà, c'est un début de réponse de la part de cet homme mystérieux dont la flamboyante génération a sans doute raté son rendez-vous avec l'histoire. Que s'est-il passé en 30 ans? Daniel de Roulet s'est rendu compte que Axel Springer n'était pas nazi. Il s'est rendu compte que les choses n'étaient peut-être pas si claires, qu'il n'y avait pas forcément de blanc ou de noir, mais une large palette de gris, que le grand soir ressemblait parfois à un matin glauque, et que surtout, s'il y a bien quelque chose dont on reste prisonnier, ce n'est peut-être pas de sa condition sociale, ni non plus de l'idéologie révolutionnaire, mais bien de ses rêves. Tu as peur des gens qui passent dans ta vie ou sur le trottoir d'en face. Tu as besoin qu'ils te regardent et pourtant tu restes là sur tes gardes. Raconte-toi, visage que tu as vu en quadrichromie à la une des revues. Tu leur dis, je te regarde, est-ce que tu me vois dans le brouillard de ma ville où j'ai si froid. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, l'affaire Daniel Deroulé avec notre invité qui est tout simplement, qui n'est personne d'autre que Daniel Deroulé. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien de Suisse? Oui, je vous entends bien. Parfait. Parlez, racontez-vous, dit, chante Yves Simon, hein, vous venez de l'entendre, car le silence est complice, le silence est trompeur. Vous vous êtes raconté, Daniel Deroulé, on vous a entendu pendant ce récit, et je suis frappé par ce que vous avez dit lors du dernier passage qu'on a diffusé. Oui, depuis des années, je me rends compte du ridicule, de mon erreur. Enfin d'abord, tout le monde peut se tromper déjà. Et puis surtout, il n'y a pas mort d'homme, il y a destruction de biens, mais pas mort d'homme. Pourquoi, des années après, vous avez encore cette chape là sur cette chape de culpabilité, de mauvaise conscience, après tout ce temps? Bon, d'accord, il n'y a pas mort d'homme, et d'ailleurs c'est un acte éminemment symbolique. Et oui. Je ne pense pas que j'aurais été d'accord d'aller plus loin. Maintenant, pourquoi j'ai dit que j'avais de la peine à continuer d'écrire sans être au clair sur cette histoire, parce que au fur et à mesure qu'on écrit des livres, on se rend compte que il faut aussi faire place nette à l'intérieur de son cerveau et être au clair. Alors, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de le raconter, notamment à mon ancien ami. Mais le publier, c'était une autre chose. Et en fait, tout le monde m'a dit c'est une imbécilité de le publier. Puisque tu l'as écrit, c'est très bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que je lui ai promis de le publier au moment où elle serait morte. Et comme elle est morte très peu de temps après, ben, j'avais cette promesse. Voilà. Et je pense qu'une promesse, ça vaut aussi, quoi. Oui. Quant aux erreurs, bon, si vous voulez faire de moi un renégat, non. Moi, je continue de penser. Je suis un peu moins sportif aujourd'hui. Et, voilà. J'ai peut-être plus les capacités de faire ce genre d'exploit. Mais je pense que il y avait des raisons historiques qui, pour moi, sont importantes. Springer avait construit des privilèges fiscaux en Suisse, il avait construit un chalet à un endroit où aucun Suisse peut construire quoi que ce soit, etc. Donc, oui, il y avait cette question qu'il était, que je prenais pour un ancien nazi, comme son biographe d'ailleurs, oui. Mais il y avait quand même la Voilà, c'était l'ennemi numéro un, c'était l'ennemi du peuple, quoi. Vous l'avez bien raconté, je crois. Oui, bien sûr. Ma question n'était pas sur la pertinence de publier le livre ou non, là c'était très clair, mais sur le côté culpabilité où je me disais que humainement, à un moment donné, bon, voilà, on peut aussi... Mais enfin, vous avez répondu très clairement. Je reviens sur l'effet Rudi Dutschke, cette affaire-là est un point de bascule, j'imagine. Absolument. Hein, c'est un point de bascule. Dutschke est un héros, hein, on oublie aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est enfui de l'Allemagne de l'Est, et on continuait de l'accuser d'être un communiste, ce qui était quand même assez grave. Mmh. Ensuite, c'était un sportif, il courait le 100 mètres en 11 secondes, et puis c'était quelqu'un qui avait un charisme extraordinaire, qui synthétisait toute une partie de nos révoltes et de nos rêves. Et donc, s'attaquer à lui, lui tirer une balle dans la tête, c'était quand même, pour nous, trop, quoi. Et je voudrais juste dire que j'ai découvert par la suite d'autres faits qui sont pas dans le livre, quoi. Mais, ah bah, allez-y, alors. Par exemple, le fait que Rudi Dutschke était devenu l'ami du fils de Springer, Sven Springer. Mmh. Enfin, Sven Simon, il avait un pseudonyme. Et c'était un grand photographe. Et quand Rudi Dutschke est mort, je crois que c'était à Noël 79, quelques jours après, mais vraiment quelques jours, genre 4 ou 5 jours après, le fils Springer s'est tiré une balle dans la tête. Donc, et le père, à partir de là, est devenu fou. Springer n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et donc ça, c'était beaucoup plus grave que de se faire brûler un chalet. C'est son fils qui se met du côté de la génération de ceux qui se sont révoltés contre lui. Et cette révolte allemande, elle a des particularités, ne serait-ce que par l'histoire de l'Allemagne, évidemment. Vous êtes en Suisse, alors vous êtes à la fois frontalier de l'Allemagne et de la France, au carrefour de cultures, une culture alémanique, une culture latine, c'est le côté intéressant d'ailleurs de la Suisse. Mais à l'époque, vos yeux sont vraiment tournés vers l'Allemagne, plus que vers la France, plus vers la jeunesse allemande. Je crois que pour nous, la jeunesse allemande était, je m'excuse de le dire pour les Français, mais elle était un peu en avance. C'est-à-dire que le mouvement même de 68, c'est parti par des gens comme Dutschke qui sont venus à Paris raconter ce qu'ils faisaient à Berlin. Et c'est parti par des gens qui étaient aussi d'un côté ou de l'autre. Si vous pensez à Cohn-Bendit, il était à la fois allemand et voilà. Et donc pour nous, c'était ce qui se passait en Allemagne, c'est ce qui pourrait se passer en Suisse. Et quand Springer a fait tirer, si vous voulez, sur Rudi Dutschke, il y a eu des manifestations devant l'école polytechnique à Zurich où on brûlait Springer en effigie. Donc ça veut dire qu'il y avait un rapport direct. Et on était devant l'ambassade d'Allemagne. Voilà, oui, vous avez raison, on était plus... Aujourd'hui, on regarde un peu plus la France, c'est vrai. Pour d'autres raisons, j'imagine. Oui, c'est vrai, voilà, culturellement. Puis quand on écrit en français, ben, on sait forcément, on a la chance de pouvoir être lu en France. Daniel Deroulé, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Si Pierre qui chante Avril. Dans ma chambre le soir, je repasse mes souvenirs en photo. Où les hivers se croisent, m'ont laissé des kilos sur le dos. J'ai souvent laissé faire le temps, mais rien ne changeait. À grands pas de poussière, je cherchais un endroit où aller. À 20 ans déjà, je traîne. connais ce si triste fardeau. Avancer sans phare, s'endurcir l'écorce, la peau. À trop me laisser faire, j'ai souvent pris la contre. Allez. Et ces pas de poussière me traînaient depuis ces années. Daniel Droulet, invité de l'émission Affaires Sensibles aujourd'hui autour de votre histoire. Alors, vous étiez deux, hein, on l'a raconté, il y a une histoire d'amour dans cette histoire politique. Bien sûr. Est-ce que, et c'est une dimension qui est importante, est-ce que seul, vous pensez que vous seriez allé au bout de ce projet? Alors, je pense que techniquement, oui, j'aurais pu monter tout seul là en haut. Mais je pense pas, j'étais un peu fanfaron et c'est elle quand même qui me disait « tu causes beaucoup, mais tu fais peu ». Et donc là, il fallait que je montre que je faisais aussi. Donc peut-être je ne l'aurais pas fait. J'aurais plus réfléchi, mais je trouve en fait que ça fait partie de l'histoire. C'est que c'est une histoire où le subjectif est très très fort, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors elle est hyper motivée. Elle vous pousse et dans l'action et après dans la narration de l'action et la confession même. Exact, parce qu'elle dit quand je vais la voir en lui disant voilà j'ai écrit l'histoire. Et elle dit, tu l'as fait, pourquoi? Je dis, c'était un acte politique. Et elle dit, je croyais que tu l'avais fait que pour moi. Voilà, donc pour elle, son souvenir, c'est que c'est un acte d'amour. Pour moi, mon souvenir, c'est d'abord un acte politique. Donc ça veut dire que c'est entre les deux. Je n'ai pas prononcé son prénom. Ah voilà, vous ne le saurez pas. D'accord, c'est clair. vous n'êtes pas le premier qui me le demande, parce qu'après les faits, après la publication du livre, j'ai été convoqué, on m'a demandé si j'étais d'accord de discuter avec les flics qui avaient fait l'enquête, etc. Et eux, la chose qui les intéressait, c'était qui était la personne qui était avec moi. J'ai dit que j'écrivais dans une enveloppe et que dans 20 ans, ils pourraient l'ouvrir. Voilà. Je tiens pas. C'est une personne qui a changé de vie, qui est devenue une femme d'affaires, qui a été mariée. Et je pense que même aujourd'hui encore, son mari n'est pas au courant. Bon, comme ça, la réponse est claire là aussi. Si on dit bande à Bader en Allemagne, brigade rouge en Italie, action directe en France, on a parlé parfois de la génération perdue de 68. Comment ça s'est passé en Suisse? Quel était le parcours de la jeunesse suisse par rapport à toute cette contestation bouillonnante de la fin des années 60? Et puis après, il y a eu les dérives, après l'embourgeoisement de ces gens-là, où ils ont continué leur vie, ils sont intégrés dans le système, et puis les autres ont versé parfois dans le terrorisme, d'où génération perdue. En Suisse, quel était le tableau? Il y a eu en Suisse, à ce moment-là, un mouvement relativement violent qui était la contestation pour obtenir un canton francophone de plus, qui était le canton du Jura. Et c'était au même moment, en 75, donc. Et là, il y a eu des actes assez violents, des fermes qui ont été incendiées, des morts des deux côtés, aussi des policiers, etc. Mais c'était un peu, une petite histoire suisse. Et par ailleurs... tout le monde était au courant de ce qui se passait en Allemagne, en France et en Italie, comme vous dites. Et vous étiez cerné, hein. Souvent, il y avait des... ils venaient aussi en Suisse, parce que c'était un endroit où on pouvait facilement se procurer. La vente d'armes était facile, et donc ils achetaient leurs armes en Suisse et au Liechtenstein, et puis ils retournaient chez eux. Et des fois, ils avaient besoin de l'aide d'une personne ou l'autre qui habitait en Suisse et qui connaissait l'histoire. Je reviens au livre, c'est un récit ramassé, limpide. Est-ce que la mise en mots de ce récit a été difficile par rapport à ce que vous avez vécu ? Non, ben alors justement, c'est... j'ai tellement ressassé le souvenir que quand j'ai décidé de l'écrire, je l'ai écrit, je ne vais pas dire d'une traite, mais enfin très facilement. Contrairement à d'autres livres qui me coûtent plus, qui sont des inventions, qui sont des romans, qui sont des fictions... Là, comme c'était pas une fiction, en fait, j'avais juste peur de pas me souvenir de certains faits qui voilà. Vous pouvez les inventer, ceux dont vous ne vous souvenez pas, parce que ça, c'est aussi non, la liberté. J'ai pas envie d'en inventer. C'est trop, la liberté du romancier aussi dans le réel. Il y a des rencontres comme ça qui sont intéressantes. Alors, on a le droit de faire ça quand on dit que c'est un roman. Mais là, moi, je l'ai appelé récit. Et pour moi, c'était assez clair qu'il fallait faire attention de ne pas enjoliver les choses. Et voilà. Il n'y a rien d'enjolivé là-dedans. Vous avez présenté à l'époque des excuses à la veuve de Springer ? Oui, la veuve de Springer était la cinquième femme de Springer. Et c'était en fait la jeune fille qui s'occupait des enfants de Springer, Akstad. Et pendant le week-end, ils allaient de temps en temps... enfin, je dis le week-end, je sais pas quand. Enfin, de temps en temps, ils allaient ensemble en hélicoptère. C'était leur nid d'amour, là, en haut. Mmh. Et elle s'est fâchée. Quand elle a su que c'était moi, elle a dit, voilà le type qui a brûlé mon nid d'amour. Mais puisqu'il me présente ses excuses, je lui dis, je suis désolé d'avoir brûlé votre nid d'amour. La prochaine fois, je ferai attention. Voilà. Et puis ça, c'est resté là. Oui, ça n'a pas dû être forcément facile à vivre pour vous quand elle a dit le nid d'amour. Vous avez dû vous dire, aïe. Ah, voilà, exactement. Vous voyez bien que chez elle aussi, le politique et et les histoires d'amour se chevauchent. Mmh. Voilà. Quelle était la réception du livre ? Ça, c'est intéressant. Assez terrible. C'est-à-dire qu'en Suisse... Il reste une minute pour raconter ça. Il y a eu une quarantaine de parlementaires donc au Conseil national qui ont demandé à ce qu'on fasse une loi rétroactive pour me punir. Et surtout qu'on me fasse rembourser l'argent d'éventuels prix que j'ai reçus. Moi, je m'en suis sorti en disant que ça ne m'intéressait pas de faire des lois rétroactives et que j'ai donné l'ensemble de l'argent que j'ai reçu grâce à ce livre aux pompiers de Rougemont, qui sont finalement les seuls qui ont été dérangés pendant la nuit pour aller éteindre un incendie. Et ils étaient assez contents, je crois. Une loi rétroactive. Oui, dites-moi. Non, c'est tout. D'accord. Et vous pourriez me parler de loi rétroactive ? Parce oui, parce que, évidemment... En, en France, ça ne fonctionne pas. Les lois ne sont pas rétroactives. Mais en Suisse non plus. Ah bah voilà, c'est pour ça que je suis étonné. Non, bien sûr que non. Bon. Heureusement. Voilà, c'est plus clair comme ça. Heureusement. Merci infiniment. Merci à vous. Pour votre témoignage, Daniel Dorvoulet, dans cette histoire qui est la vôtre et puis qui aussi est un peu l'histoire des Suisses. Hein. Ça s'est passé dans ce pays-là pour des raisons... politique, voilà. Donc ça rentre aussi dans votre histoire. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Daniel Dorvoulet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Gilles Gaillard.